au plus vite demain. On est toujours sur le Mag Libre. Alors, rebonsoir. Donc là, nous avons écouté un petit son qui dure une trentaine de minutes. Donc c'est un livre, c'est la présentation d'un livre qui s'appelle Pétrograd Rouge, la révolution dans les usines 1917-1918. Donc là, ça va causer la révolution russe. Et c'est à propos des comités d'usines. C'est un livre qui a été édité par l'édition Les Nuits Rouges, écrit par un historien anglais au début des années 80 qui s'appelle Stephen Smith. Et donc le bouquin a été traduit très récemment. Donc là vous allez entendre un propos d'une trentaine de minutes, comme je disais à l'instant. Je n'ai pas enregistré le débat qui était houleux et très particulier. Voilà, donc vous allez entendre des prémices d'autogestion, de gestion ouvrière et autres, et aussi de pragmatisme quand on est face, ou on doit faire face à des situations sur lesquelles les théories des fois sont pas toujours satisfaisantes. Voilà, bonne écoute. Bon, bonsoir et merci d'être venu. J'espère que cette première tentative sera fructueuse. Oui, donc, il a un peu mangé ma présentation, c'est-à-dire qu'en fait, il est quand même paradoxal aujourd'hui, 100 ans après la révolution russe, qualifiée par quasiment toutes les tendances politiques comme la première révolution ouvrière victorieuse, que pas un ouvrage ne soit dédié à ce que concrètement les ouvriers ont fait. Comment ils ont lutté, comment ils se sont organisés, qu'est-ce qu'ils ont obtenu, en quoi ils ont fait des erreurs et en quoi ça nous permet aujourd'hui d'essayer d'en tirer quelques enseignements. Donc oui, le bouquin de Smith fait partie de ceux qui, à partir de 1980, ont commencé à poser l'histoire, non pas d'un point de vue général, historique, emphatique, mais de mettre les mains dans l'huile, de consulter des dizaines et dizaines et dizaines d'archives en russe pour voir l'activité concrète des ouvriers russes. Alors, le titre s'appelle Pétrograd Rouge parce que tout homme n'a pas la capacité à tout faire, donc il s'est consacré d'abord à Pétrograd, de façon évidente, puisque c'était la capitale administrative, la capitale politique, la capitale économique et financière, et surtout la première ville industrielle de Russie. Donc il commence par décrire les conditions dans les usines avant la guerre de 14. Il analyse les différents secteurs industriels, comment la classe est divisée entre qualifiés et non qualifiés, quelle est la situation dans les usines à cette époque-là. Et ensuite, il étudie surtout également, et ça je trouve que c'est très important, les conditions de survie à l'extérieur, les conditions de logement, les conditions d'accès à la culture, les conditions d'accès aux loisirs ou à la culture, et évidemment à l'alcoolisme, car comme chacun sait, c'est vraiment l'activité la plus partagée par les ouvriers russes, hier, aujourd'hui, et malheureusement encore demain. Donc ce tableau permet déjà d'avoir un premier panorama. Et évidemment, il aborde l'entrée en guerre et les transformations gigantesques, le bouleversement qui va se faire à cette occasion. Parce que l'effort de guerre va faire qu'à Pétrograd, le nombre d'ouvriers va passer de 330 000 à 440 000. Et l'immense majorité de ces nouveaux salariés sont des jeunes qui ne seront employés comme pas qualifiés ou des femmes. Alors, sachant qu'avant, dans l'industrie textile, il y avait déjà des femmes qui travaillaient, donc et qui avaient déjà appris à lutter. Donc là, mais là, il y a vraiment une irruption de nouvelles main-d'œuvre qui ne connaît pas la discipline d'usine, qui ne connaît pas l'organisation, qui est peu sensible à la politique. Également, ce qu'il montre, c'est que, à côté des ouvriers qualifiés qui constituent 40% de la main-d'œuvre, apparaît une nouvelle génération d'ouvriers semi-qualifiés. Parce que le processus, les nouvelles techniques de production de masse font que de nouvelles machines arrivent, des machines où le temps de formation n'est pas le même que celui de l'ouvrier qualifié qui connaît son métier, qui passe par un long processus, de professionnalisation. Et il décrit également aussi les conséquences, que comme chacun sait, quand il y a la guerre, il y a une fringale de main-d'œuvre, donc les salaires augmentent. Parfois, même sans que les ouvriers luttent, simplement par le déplacement, on cherche du boulot ailleurs et on fait monter la pression. Mais Smith explique très clairement que tous les gains de salaire sont rongés par l'inflation. une inflation à deux chiffres, puis à trois chiffres. Et plus encore, quand on arrive à la fin 1916, il commence à y avoir des pénuries alimentaires. Alors, un petit point sur la Russie tsariste. Ce régime et la société est souvent présenté comme un pays arriéré. Alors qu'en fait, c'est comme souvent, les explications simplistes ne recouvrent pas la réalité. Dans l'industrie russe, une industrie moderne, quand des nouvelles usines se créent pour répondre à l'effort de guerre, elles se créent avec des moyens modernes, comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, comme en France. Et y compris du point de vue du développement capitaliste, les usines comme Poutilov, dont tout le monde a entendu parler, étaient capables, son bureau d'études, de produire des brevets de production qui étaient l'équivalent des brevets allemands ou anglais. Donc l'industrie russe n'est pas une industrie tournevis implantée par les étrangers dans un sol infertile. C'est vrai qu'une bonne partie des usines étaient des usines à capitaux étrangers comme Renault, Nobel, il y a toute une liste là-dedans, mais ça ne veut pas dire que les conditions de travail et de production étaient différentes. De même, c'est pas le sujet, mais on peut parler de l'agriculture. L'agriculture russe est présentée souvent comme une agriculture féodale, avec des gens vivant au niveau de la survie. C'est vrai, une grande partie de la Russie était comme ça. Mais il y avait déjà une agriculture mécanisée, comme en Ukraine, et il y avait une agriculture, j'aime pas le terme de niche, mais une agriculture maraîchère, avec des moyens modernes qui nourrissaient les grandes villes. Donc là encore, il faut toujours nuancer, éviter de tirer des conclusions hâtives. En revanche, ce qui est vrai pour le régime tsariste, et surtout depuis l'écrasement de la révolution de 1905-1906, c'est une société autoritaire qui ne comprend pas la nécessité de corps intermédiaires, qui ne laisse pas à la société civile laisser créer des organes, bien sûr qui sont les organes de conciliation après, mais elle ne laisse pas ça. Et dans les usines, il y a un régime autoritaire où la moindre tentative d'expression ouverte est combattue. Et en plus, à cause de la guerre, les usines sont militarisées. C'est-à-dire que il faut saluer les quelques ouvriers à partir de fin 1915 et 1916 qui entrent en grève, parce qu'en cas de défaite et de répression, c'est directement aller sur le front. Donc c'est ça qui caractérise le régime tsariste, c'est le régime autoritaire et donc qui ne comprend pas la nécessité de vivre sur le conflit, contrairement aux démocraties. Pardon. Donc les usines aussi, avec cet afflux de main-d'œuvre, prennent des tailles gigantesques. Je reviendrai sur Poutilov. En 1914, il y avait 12 000 ouvriers. En 1917, enfin en début 17, il y en avait 30 000. Donc, et ce n'est pas la seule des grosses usines. Les usines qui travaillent pour l'effort de guerre ont plus de 10 000 ouvriers. Et quand je dis que les femmes arrivent comme main d'œuvre, par exemple chez Octa, qui est la grosse fabrique de munitions, les femmes étaient utilisées massivement pour polir les ogives d'obus avec des produits chimiques, donc avec des conditions de travail très dangereuses. Et il y avait aussi, par ailleurs, comme c'était poussé le rendement à l'extrême, il y avait souvent des explosions avec des accidents du travail assez conséquents. Bon, voilà. Alors, quand arrive la révolution de février, je vais pas m'étendre, mais bon, vous savez, ça commence par une manifestation de femmes pour le pain et la paix, et puis très rapidement, le lendemain, ça attire du monde, la répression est plutôt molle, et puis il y a une grève générale dans toutes les usines, et puis en quatre jours, le régime tsariste s'écroule. La société russe, à ce moment-là, est déjà d'elle-même au bord de l'implosion, parce que l'appareil productif russe, non seulement dans les usines, mais dans les moyens de transport, fait que la société est épuisée. Les pénuries commencent à se généraliser. Il n'y a pas encore la famine, mais il y a des vrais problèmes de ravitaillement. Et le système de transport, il donne plein d'exemples où des trains entiers de céréales attendent parce qu'elles sont bloquées à un endroit, ou que les canaux ne sont pas entretenus, les routes sont... Donc, l'effort de guerre a épuisé la société. C'est pas original. En Allemagne, bon, c'est pas le sujet, mais on arrive au même point, sauf que la base où c'est parti est beaucoup plus robuste, alors qu'en Russie, c'est au bord l'implosion. Donc, une fois que le régime tsariste est tombé, une des premières caractéristiques, c'est que la police disparaît. C'est-à-dire que les premières manifestations vont attaquer les commissariats à Petrograd, mais dans d'autres villes. C'est pas compliqué. On exfiltre les policiers qu'on envoie pendre ailleurs. S'il y en a qui étaient connus comme étant particulièrement répressifs, ils ont eu droit à un bain dans les canaux de Leningrad. Et les fichiers sont brûlés, les commissariats détruits. Donc ça, c'est la première mesure concrète. Et puis, il y a la gigantesque explosion de prise de parole qui va aller croissant toute l'année 1917. Quand les ouvriers reviennent dans les usines et reprennent le travail, ils veulent immédiatement que ça change aussi dans l'usine. Donc, classiquement, dans ces périodes, les revendications sont très très simples. C'est plus de salaire, avec des augmentations uniformes, moins de travail. Donc, il y a l'obtention de la journée de 8 heures qui sera signée par un décret entre le gouvernement et l'organisation patronale. Bien sûr, une partie des patrons refuseront de l'appliquer, donc ça entraînera une lutte permanente pour pouvoir garantir cette diminution de travail. Il y a surtout aussi la chasse à tous ceux qui ont fait chier les ouvriers pendant la guerre, donc des ingénieurs, aux contremaîtres, aux petits chefs, qui sont souvent renvoyés, ou certains aussi, on leur offre des bains dans les canaux. C'est donc des choses classiques, mais déjà en plus, ce qui se passe, c'est qu'ils se donnent immédiatement une organisation. Cette organisation, ce sont les comités d'usine, qui sont élus par les ouvriers. Alors, si je vais trop vite, vous me le dites, hein, avant de tomber par terre. Alors, il ne faut pas non plus vendre ce qui n'existe pas. Les premiers comités d'usine naissent dans les industries de guerre, à propriété étatique. Et ils sont mis en place, alors ça c'est vrai partout, par les ouvriers qualifiés, anciens militants politiques, voire ou syndicaux, et dans dans les usines d'armement, comme les chantiers navals de l'Amirauté et l'Arsenal, ce sont les ouvriers mencheviks et SR qui suivent la politique du gouvernement provisoire, c'est-à-dire continuer le cours à la guerre, qui créent des comités d'usine pour répondre aux revendications, mais aussi pour assurer la production pour la guerre contre les sabotages éventuels. Mais de toute façon, en quelques jours, toutes les grandes usines de la ville se couvrent de comités d'usines. Et donc, ces comités, au départ, au lieu de cette explosion revendicative, mettent en place quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ils veulent contrôler l'embauche et les licenciements. C'est le premier pas du contrôle sur le commandement capitaliste dans l'usine. Mais aussi les premières discussions, parce qu'il y a des discussions animées et c'est contradictoire. Le livre fourmille d'exemples qui montrent comment un processus peut avancer un moment dans certains endroits et aller un peu moins ailleurs, puis se changer pour évoluer. C'est que les comités d'usine, dans leur premier texte, disent qu'on ne veut pas mettre un pied dans la gestion de l'usine, on ne veut pas être le patron à la place du patron. On veut un pouvoir démocratique dans l'usine, mais on ne veut pas mettre un pied de plus en avant. Autre chose qui se passe, ils ne se contentent pas de ces revendications de salaire, d'horaire et tout ça, mais et de contrôle de l'embauche. Ils veulent mettre en place des activités culturelles, ils veulent contrôler la sécurité. J'ai parlé des explosions, ils veulent empêcher que les conditions de travail soient trop horribles. Ils demandent le contrôle sur les cantines pour que les gens aient à bouffer dans un moment où il y a la pénurie. Parce que là aussi, on montre des exemples. La journée de travail tombe à 8 heures idéalement, mais les gens perdent 2 heures ou 3 heures en plus pour courir après leur ravitaillement, qui n'arrive pas. Donc, ils essayent de mettre en place propres moyens d'invitement, donc en s'occupant des cantines, et ils demandent aussi l'accès à la culture en créant des bibliothèques, parce que c'est vrai que l'analphabétisme est un phénomène massif en Russie, compte tenu du faible développement de l'accès à l'éducation. Et puis, pour aussi contrôler un peu les éventuelles tentatives de sabotage, pas dans toutes les usines, mais dans la plupart, ils créent une garde rouge, c'est-à-dire un organisme avec des ouvriers en armes qui contrôlent l'entrée-sortie de l'usine. Alors, il est évident qu'en général, ceux qui s'intéressent à l'aspect militaire de la chose sont plus des jeunes qui ont envie d'en découdre. Alors, il faut expliquer une chose aussi, c'est que dès le départ, les comités se battent et obtiennent que le temps passé à l'usine pour remplir les activités du comité ou de la garde rouge doivent être payés par le patron. Et évidemment, il y aura tout au long de l'année 17, en fonction des aléas à l'extérieur, des avancées et des reculs. Et de même, pour donner un exemple moi qui me semble très significatif, donc Poutilov, il y avait 30 000 ouvriers. Avant octobre, il y avait 400 ouvriers payés par le patron pour travailler 8 heures sur 8 à toutes les activités des comités d'usine. Donc, ce qui était incroyable dans le mouvement qui se passe en Russie, c'est quelles que soient ces avancées ou ces reculs provisoires, ça ne fait que continuer tout le long de l'année 17. D'abord dans les usines, ensuite à l'extérieur, bien sûr. Alors, reprenons le fil. Donc, Donc on a voulu, certains ont reproché dès le milieu 17 au comité d'usine d'être localiste, de s'intéresser qu'à leur usine. C'est totalement faux. Très rapidement, ils se sont organisés par quartier, commencé à se coordonner. Et donc je disais, c'est que fin mai, début juin, il y a la première conférence des comités d'usine de Petrograd qui se réuniront tous les mois. Et en plus, il y aura la même chose dans tous les autres villes et bassins industriels de la Russie, si bien qu'en septembre, il y aura la première conférence nationale des comités d'usine. Donc ils avaient, et ils se posaient des questions, il y avait des échanges, des dialogues. Autre point avant d'aborder la suite, c'est le côté politisation. Il est évident que les militants ouvriers qualifiés qui sont élus à la tête des comités d'usine sont des gens qui ont de l'expérience et qui ont un passé politique qui recouvre toutes les affiliations des anarchistes aux mencheviks, et y compris il y avait quand même un certain nombre d'ouvriers sans parti. Ce mouvement, enfin cette politisation, va faire que les questions qui se posent vont être de plus en plus, porté à une hauteur de plus en plus grande. Et c'est un phénomène unique sur la durée dans un pays encore aujourd'hui. Bon, on s'ira la chaise après, elle ira en Sibérie. Alors, il y a une question qui se pose, c'est, mais les comités d'usine, comment ça se fait qu'ils, du jour au lendemain, ils ont pu apparaître au grand jour, devenir l'organe de lutte au niveau des usines? C'est très simple. Les syndicats en Russie ont été créés en 1905 comme organes par les ouvriers eux-mêmes au moment de la révolution. Et autant les soviets s'intéressaient aux choses politiques générales, les syndicats s'intéressaient aux choses de l'usine. Le régime tsariste, quand il a repris la main, il a quand même beaucoup contraint les syndicats. Et à partir de 1908, ils ont cessé d'exister légalement, à part le syndicat des imprimeurs et les syndicats des bronziers. Donc, des secteurs marginaux, et ailleurs ils étaient soit clandestins, soit carrément disparus. Et ce qui explique que, en 1917, au retour dans les usines, il n'y avait aucun concurrent, et c'est pour ça que les ouvriers ont créé les comités d'usine. Et en partant d'une idée, on part d'où on est pour aller plus loin. Quand les militants syndicaux sont revenus, et qu'ils ont essayé de recréer, le problème c'est que l'espace était déjà occupé. Heureusement pour eux, le gouvernement Kerensky, grâce à son ministre du Travail Skobelev, un menchevik, a donné un pouvoir contractuel aux syndicats à l'échelon de la branche et à l'échelon du pays. Et il leur a autorisé à négocier des grilles de salaire, des salaires minimums, tout ce qu'ils font les syndicats tout le temps, ce qui pour la Russie était novateur, ce qui explique que quand on regarde des livres sur la révolution russe, on voit que les effectifs syndicaux croissent et croissent et croissent. Mais la réalité, c'est que dans les usines, les ouvriers adhéraient en bloc aux syndicats parce que c'était une sorte d'assurance pour bénéficier de certaines choses, et pas du tout parce qu'il y avait un militantisme. Ce qui explique aussi que on trouve dans les comptes rendus des congrès syndicaux de fédérations nationaux des gens qui sont de toutes les tendances politiques, qui sont en même temps dirigeants de comités d'usine et qui sont aussi dans les syndicats et qui interviennent, mais au niveau national. Les syndicats, justement, quand ils vont essayer de négocier les accords de branche, ils vont appeler à la grève à partir de juillet. Donc juillet-août, en dehors des événements politiques extérieurs dont on pourra reparler, comme la tentative insurrectionnelle de juillet, qui se solde par un échec, vont lancer des grèves pour obtenir des grilles de salaire. Mais le problème, c'est qu'entre le moment où l'accord est signé, l'inflation a déjà bouffé tout ce qui a été discuté. Et donc, le livre cite un exemple intéressant d'un groupe de jeunes ouvriers de chez Poutilov qui, mécontents de cet accord qui sert à rien, défilent dans l'usine en tentant d'endommager la production. Comportement qu'on retrouvera ailleurs et dans d'autres époques et d'autres lieux. Donc dans le mouvement de l'année 1917, les comités d'usine vont être obligés de prendre en charge de facto, enfin je veux dire presque naturellement, un certain nombre de tâches qu'ils ne voulaient pas prendre au départ, c'est-à-dire s'occuper du ravitaillement pour l'usine, trouver du carburant, s'occuper de rechercher de la nourriture, et dans l'usine commencer à contester le pouvoir du patron, en sens que quand il y a une agitation ouvrière de cette ampleur, qu'elle se traduise par des grèves ou simplement par des contestations de tous les jours, une politique patronale, c'est de faire du lock-out, c'est de dire que il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de matières premières, et donc l'usine, c'est normal, vous n'êtes pas payé, puis on verra quand ça se passera mieux, pour casser l'unité des ouvriers. Et donc, ils se sont commencés à s'intéresser à la comptabilité, à essayer de regarder comment ça se passait, essayer de comprendre ce que c'est qu'une usine au-delà de la machine ou l'ensemble de machines qu'ils connaissent tous les jours. Et c'est pour ça que pratiquement, quand on arrive fin septembre, début octobre, dans les usines, se met en place ce qu'on appelle contrôle ouvrier, qui n'est pas le mot d'ordre fétiche des trotskistes, mais c'est l'expression du fait que les ouvriers dans l'usine commencent à contrôler tout, y compris les actions des patrons. Et par exemple, alors évidemment, ça veut dire que les patrons peuvent accepter les augmentations de salaire pendant un certain temps. Ils peuvent accepter même un certain absentéisme. Mais la contestation du pouvoir, c'est insupportable. Et donc, les premiers qui s'en vont, qui mettent la clé sous la porte, patrons des entreprises étrangères, qui disent « Bon, basta, vous ne voulez plus bosser, bah démerdez-vous. » Et arrive à ce moment-là tout le mouvement social, on pourra évoquer après, qui aboutit à la révolution d'octobre. Et là, le gouvernement bolchevique et sert de gauche met en place un des premiers décrets, outre ceux sur la paix, le pain et je ne sais plus quoi le troisième, puis il y en a plein d'autres, c'est le décret sur le contrôle ouvrier. Et ce décret, discuté à la mi-novembre, va en fait sanctionner, c'est-à-dire enregistrer ce qui est déjà en pratique et le pousser un peu plus loin. Résultat des courses. À partir de là, les ouvriers participent, enfin les membres des comités d'usine délégués participent à la gestion des entreprises. Et ça veut dire que, dans les cas les plus avancés, aucune décision patronale ne peut être mise en pratique si l'unité ne tamponne pas. Évidemment, ça aboutit à une paralysie. Ça, c'est le mouvement par rapport au contrôle. Mais il y a un autre mouvement qui apparaît, c'est que l'industrie russe s'écroule. Parce que, d'abord, l'État, ça va être déjà comme belle lurette qui ne paye plus les commandes pour la guerre. La guerre s'arrête. Donc, toutes les usines qui travaillent pour l'effort de guerre n'ont, du point de vue capitaliste, plus rien à faire. La désorganisation généralisée fait que le rationnement commence à arriver. Et ça, c'est un phénomène qui est pour moi essentiel, et le livre l'explique bien, c'est qu'on arrive, la ration de pain passe à 100 grammes, à 75 grammes, et au plus bas, c'est-à-dire en février 18, à 50 grammes de pain par jour. Je rappelle qu'on est dans un des hivers les plus rigoureux, au sortir de la guerre, et il n'y a rien à becquer. Ceci n'empêche pas d'examiner un peu plus, mais tisse une toile de fond du chaos et de l'effondrement de ce qui se passe en Russie. Par ailleurs, il n'y a pas de caisse de chômage à l'époque. Ça n'existe pas. Donc quand les usines ferment, ceux qui peuvent, donc les jeunes et tous ceux qui viennent de la campagne, se barrent à la campagne. C'est pas très compliqué. Ils vont essayer de bouffer tout simplement et ils se barrent. Ce qui veut dire que la classe ouvrière à Petrograd, en Russie c'est pareil, mais là c'est particulièrement visible puisqu'ils travaillent beaucoup pour l'effort de guerre. Je parlais de 440 000 ouvriers, on est à 400 000 en novembre, et puis en juin 18, on sera plus qu'à 135 000. C'est-à-dire les deux tiers de la classe ouvrière ont disparu. Ils ne sont pas morts, ils se sont barrés. Donc, au point de vue des comités d'usine, cela se fait progressivement, bien sûr, mais se trouve un truc de qu'est-ce qu'on va faire ? On a, entre guillemets, le pouvoir dans l'usine, mais il n'y a plus de production, puis de toute façon, même si on a encore de la matière première, je vois mal comment vendre sur un marché mon canon que je viens de fabriquer. Et donc, les comités d'usine commencent à se rendre compte que, ils le savaient, le socialisme dans une seule usine ne peut pas exister. Mais là, ils se trouvent confrontés à des problèmes inédits. Nulle part ailleurs avant, il y a eu ces expériences. Aucune préparation éventuelle de quelques brillants théoriciens qui auraient envisagé quoi que ce soit. Le gouvernement des commissaires est tout aussi dans l'improvisation, par ailleurs, on pourra en discuter, et il se trouve que, de facto, les comités se rendent compte qu'ils sont incapables d'aller plus loin. Et ce qu'ils vont faire, c'est appeler l'État à nationaliser, au nouvel État, à nationaliser l'économie, en pensant que l'État, avec sa vision plus haute, va pouvoir régler certains problèmes. Et c'est pour ça que, de facto, toute l'industrie russe, en juin 18, sera nationalisée, alors que ce n'était absolument pas dans les programmes des partis politiques. Enfin, maintenant, le nouvel État a besoin de relais pour contrôler l'économie. Alors, d'une part, il crée un organisme national paritaire où différents représentants de différents organismes participent, sauf qu'évidemment, dans un bureau, on peut très bien écrire que l'industrie doit faire ça, mais la réalité, il faut avoir des relais. Et donc, toute une discussion qui avait commencé en juillet 18 se passe entre les syndicats et les comités d'usine. Les syndicats disant que les comités d'usine sont trop localistes, ils n'ont aucune raison d'exister de façon autonome et qu'ils doivent au mieux se dissoudre et devenir l'échelon local du syndicat. Et toute cette discussion, au départ, il faut bien le dire, les bolcheviks étaient plus neutres ou indifférents, sauf ceux qui étaient dirigeants syndicaux qui poussaient à la disparition des comités d'usine. Et deux éléments vont marquer ça, c'est-à-dire, en fait, principalement le congrès, le premier congrès national des syndicats en janvier 18, où là, deux grands sujets majeurs sont discutés. Un, l'existence autonome des comités d'usine. Et là, c'est simple, on retrouve d'un côté les bolcheviks, comment dirais-je, de gauche, pour faire plus simple, on expliquera après, et les anarchistes qui veulent maintenir une existence autonome des comités d'usine, et de l'autre côté, les mencheviks, les SR et les bolcheviks syndicalistes et le centre, c'est-à-dire Lénine et les camarades, qui disent non, et les comités sont sommés de se dissoudre. Et puis après, quand il y a la discussion sur le rôle des syndicats, là, les syndicalistes veulent une existence autonome. C'est un débat qui ressurgira en 1921. Et là, ils sont battus par l'alliance des partisans de Lénine, des bolcheviks de gauche et des anarchistes. Et les comités d'usine, de toute façon, la situation est telle que enfin, leur mouvement autonome qui a impulsé toute l'évolution dans la société entre février et octobre s'arrête. En plus, un autre phénomène va se produire, outre la disparition physique des ouvriers, c'est que ceux qui étaient dirigeants des comités d'usine, ils vont naturellement devenir membres de plus en plus souvent réguliers des organes d'État, et les jeunes énervés de la Garde rouge, ils vont partir faire le coup de feu contre les opposants éventuels allemands ou les contre-révolutionnaires, ils deviendront les premiers embryons de l'armée rouge à l'entrée de la guerre civile. Donc, de facto, compte tenu de la situation gravissime, le mouvement s'épuise de lui-même. Alors, on a parlé du bouquin de Brinton tout à l'heure, il cite bien sûr que, compte tenu du chaos, les premières mesures qui vont être prises par le gouvernement, c'est d'interdire la direction collégiale des entreprises, c'est-à-dire les comités d'usine n'ont plus le droit de participer au conseil d'entreprise d'une usine, et qu'on va rétablir l'autorité contestée des dirigeants. Ah oui, Moi, ça va un peu vite, là. Pardon, excuse-moi. Mais on va pouvoir revenir. Si j'ai bien compris, il y a un conflit entre des gens qui veulent un pouvoir syndical autonome. Alors, ça, oui, ça, mais c'est l'aspect le moins. Enfin, c'est les bureaux. Enfin, en gros, compte tenu de ce que j'ai dit sur ce que sont les syndicats reçus, ils affichent 4 millions de membres, c'est sûr, mais c'est comme tu prends ta carte Orange, enfin ta carte Navigo à Paris ou n'importe quoi, t'achètes une assurance de pouvoir être couvert par les contrats qui sont signés. Non, mais à la direction de ces syndicats, notamment de celui de la métallurgie qui est le plus important en Russie, il y a un, on veut que les comités d'usine arrêtent d'exister de façon autonome, et ils vont leur reprocher dans un langage patronal qui favorise la paresse, que les ouvriers sont des feignasses, des individualistes, et que eux, ils les couvrent. Et donc ça, c'est pas normal, parce que les syndicalistes, il y a tout un courant qui traverse d'ailleurs au-delà des tendances politiques, et de dire que le syndicat est le seul à avoir la vision globale. Et en plus, c'est une autre question qu'on pourra discuter, il y a un amour de la technique et de la science qui est partagée par le mouvement ouvrier en général, que la technique et la science sont neutres et qu'il suffit de nous de la diriger comme on veut et que tout va aller bien. C'est la même chose d'une certaine façon avec ceux qui pensent que l'État, on le retourne et hop, il marche pour nous. Malheureusement, l'expérience russe montre déjà que c'est évidemment pas ça, mais à l'époque, c'est des discussions totalement neuve. Donc les dirigeants syndicaux, quand ils sont à la tête de puissantes fédérations, même si les gens bouffent pas, ils pensent qu'ils ont un rôle à jouer et que c'est eux qui doivent être l'organisateur de l'économie tout en restant indépendants du ou des partis. C'est ça la deuxième partie de la discussion. Et là aussi, les dirigeants syndicaux seront battus. Mais bon, c'est pas parce que tu es défait à un congrès que tu changes d'avis et que tu acceptes. Pour finir sur les comités d'usine, dans leur dernière conférence nationale qui aura lieu fin janvier 18, ils reconnaissent leurs limites et ils acceptent de facto de se dissoudre dans les syndicats, sachant que certains, dont un ouvrier qui est cité plusieurs fois là, que j'aime beaucoup, le militant bolchevique dirigeant du comité d'usine de la centrale électrique, dit: bon, d'accord, on s'est fait niquer, mais on va rentrer dans le syndicat et on va foutre le bordel. Pour revenir maintenant, alors après, j'ai tout de suite, quand j'ai trouvé cette phrase magnifique, comme ça renvoie vers un texte russe que je n'ai pas sur Internet, de toute façon je lis pas le russe, j'ai demandé à l'auteur: alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Et là, le mec, il m'a dit: oh putain, j'ai écrit ça doit être vrai, mais là, j'ai plus les données. Bon, ce qui est sûr, c'est que par rapport au rétablissement de l'autorité d'un seul, d'un directeur unique, qui est voté par le gouvernement, eh ben, le bouquin dit très bien qu'en 1920, en décembre, au sortir de la guerre civile, 69% de toutes les usines en Russie avaient encore une direction collégiale. Ce qui veut dire qu'un mouvement, il est très difficile de déterminer quand est-ce qu'il s'arrête, parce que il y a, comment dirais-je, un moment, on peut dire qu'il atteint un sommet, qu'il arrête d'agir pour lui-même, mais avant qu'il disparaisse, même dans les conditions horribles et désespérées de la Russie, et même au sortir de la guerre civile, dans les usines qui restaient, il y avait encore cet esprit. Bien sûr, après, on pourra en parler, ça n'a pas évidemment duré, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, quand on dit, et qu'on répète à l'envi, que ce soit les militants ou les ouvriers, que les problèmes, c'est le gouvernement Kerensky, qui est un gouvernement pourri, marionnette aux mains des patrons, et que les patrons, c'est eux qu'il faut virer, et qu'après, demain, on rase gratis, octobre, c'est quoi? C'est un, Kerensky, le gouvernement, il s'écroule, les patrons, comme je l'ai dit, les trois quarts désertent, et les ouvriers découvrent que, bah merde, c'est encore pire qu'avant. La compréhension de ce qu'on doit faire pour partir du capitalisme et aller vers une autre société, ce que j'appellerais la transition pour simplifier, c'est-à-dire la déconstruction de l'existant et la construction d'un nouveau, ben, n'avait jamais été envisagée avant. Et là, compte tenu de la situation, quand tu bosses dans une usine d'armement, comme la blague qu'on racontait dans les années 50, deux ouvriers d'une usine tchèque qui fabriquent des poussettes, ils piquent du matos pour faire de la perruque à l'extérieur. Et puis ils disent, je comprends pas, on a beau la démonter, la remonter, il y a toujours des chenilles et un canon. Ce que je veux dire par là, c'est que la déconstruction, et particulièrement dans le secteur de l'armement, n'avait pas du tout été envisagée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Après, on est dans une situation de pénurie réelle de nourriture. Il fait froid, il n'y a pas de carburant. C'est une situation incroyablement difficile. Alors évidemment, on ne choisit pas. Moi, je propose qu'on fasse une révolution, pas au sortir d'une guerre mondiale, en été et quand les stocks sont pleins. J'ai été battu, ma proposition n'a pas été retenue. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, c'est... Bon, j'anticipe un peu l'excuse, mais c'est vraiment des situations inédites et les gens ont fait ce qu'ils pouvaient et ont improvisé. Il y a quand même une chose qui est importante de signaler sur ce qui s'est passé en Russie, c'est que à froid, certains disaient déjà à l'époque, à chaud, bah c'est pas la peine. Les mencheviks, par exemple, il y a le développement des forces productives. D'ailleurs, eux, ils la réduisaient aux machines et aux moyens, et pas bon. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer le capitalisme. Et les autres, notamment les bolcheviks, dont Lénine, mais aussi tous les militants, quelle que soit leur tendance, disaient non. Il échoue à la Russie de commencer l'étincelle de la révolution mondiale, et on ne peut pas abdiquer devant cette tâche. Alors, ils étaient empreints d'un optimisme certainement démesuré, mais ils l'ont fait pour ça, et ils espéraient que la flamme qu'ils avaient allumée, elle allait embraser, en tout cas, l'Europe. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans cette situation, qu'il y avait une vraie, comment dirais-je, envie d'aller jusqu'au bout, et pas jusqu'au bout pour faire le socialisme en Russie, mais pour essayer de faire la révolution mondiale. Bon, malheureusement, comme chacun sait, ça a raté. Néanmoins, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte sur ce mouvement de cette époque. Donc on va pouvoir ouvrir la discussion. Moi j'en avais, avant vous préparer vos questions, j'en avais au moins une. Ouais. C'est quand on retourne le livre, on lit ce classique de l'université anglaise. Alors je veux bien classique, mais classique pour qui? Pour les anglophones. Ben toi, oui. Par exemple, comment tu connaissais ce livre depuis longtemps ou pas? Oui, depuis belle lurette. Ouais. Sachant que la lurette, une unité de temps variable. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Ça fait 30 ans que je le connais, 30 ans que je pensais que c'est un livre qui mérite largement. Parce que, encore une fois, on va peut-être avoir des points de vue, et j'espère, différents. Une base incontestable qui permet de comprendre la complexité de la situation. Bien sûr, Smith a un point de vue, mais il ne le lâche que dans la conclusion. C'est un point de vue relativement fin quand on retourne en 83 au moment où il l'a écrit. Et je trouve que, bon, évidemment, il n'a pas les mêmes perspectives, pour ça qu'on a fait une préface qui réoriente un peu, mais voilà, au moins à partir de là, on peut parler. Il n'y a pas les traîtres, les méchants, les mauvais qui sont dénoncés d'avance. Il montre bien tout, comment dirais-je, le côté pragmatique de tentative avec les moyens du bord. Pour revenir, c'est un classique, Smith n'est pas le seul, il y a une américaine qui s'appelle Diane Kunker qui a fait le même bouquin sur Moscou. Bon, le problème, c'est qu'on devrait le traduire, mais bon, on verra déjà si celui-là intéresse. Et ça donne un autre éclairage, que l'industrie à Moscou est différente. Et quand on dit qu'octobre, c'est même pas un coup d'État, hop, ils viennent, ils tirent trois coups de canon, tout s'écroule, et au revoir, voiture Simone. À Moscou, il y a quand même 15 jours de combat acharné. Donc c'est pas, la situation de la Russie est assez complexe quand même, mais ça allait dans le même sens. Donc Kunker a écrit là-dessus. Historiquement, enfin dans l'histoire, il y avait le bouquin d'Edouard Aledkar, qui est un vieux, mais qui a fait des tomes magnifiques. Mais lui, compte tenu de ce qu'il voulait faire, et même s'il eut accès à des archives russes à l'époque, ce qui est quand même assez étonnant, il a fait pas une fresque au sens épopée, mais il a bâti ça au niveau très haut, c'est-à-dire tous les organes, tous les aspects. Donc il n'est pas entré dans le détail des comités d'usine comme lui le montre, avec des choses qui sont contradictoires, bien sûr, et on pourra en discuter. Il y a tout un problème aussi quand on essaye de diriger une usine telle qu'elle est, parce que c'est de celle-là qu'on hérite, c'est qu'est-ce qu'on fait des techniciens, des ingénieurs, s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et là, les ouvriers russes, compte tenu de la division du travail, de l'organisation de la production, les ouvriers qualifiés avaient un vrai pouvoir. C'est-à-dire que s'ils ne bossaient pas, les bureaux d'études et ne pouvaient pas forcément, ils avaient un savoir encore là. Mais les ingénieurs et les techniciens, quoi qu'on pense d'eux, pour faire tourner une usine, surtout une grosse, on a besoin de compétences. Et si on n'arrive pas à attirer la compétence et qu'elle devient hostile, Macage Walou pour voilà. Et les ouvriers qualifiés aussi, ils pensaient qu'ils étaient les rois, enfin les maîtres. Oui, effectivement, les mettre devant leurs machines, devant leurs process. Mais déjà, l'usine, en tant que process industriel, ils ont commencé à avoir du mal. Mais surtout, et c'est pas leur faire injure, et au contraire, c'est leur rendre hommage, c'est qu'ils avaient aucune connaissance que c'est qu'une usine, en termes d'entrée de produits semi-finis ou finis, et en termes de sortie, en termes de qu'est-ce qu'il faut pour la faire tourner. Ils avaient surtout aucune compétence comptable, sans parler de financière. Le livre montre bien que dans quelques cas, des comités d'usine ont voulu comprendre ce que c'était qu'un livre de compte, qu'est-ce que ça voulait dire, est-ce que le patron nous mentait en disant qu'il ne peut plus produire ou pas. Ils ont été voir des comptables, on veut être client, et les mecs leur ont dit, vous les bouseux, allez chier à Calais, et on ne vous aidera pas. Donc, toute cette science, malheureusement, elle est comme, enfin, toute cette capacité technique n'existait pas. Et par ailleurs, quand les bolcheviks et les SR de gauche ont commencé à placer des gens en tant que ministres, enfin commissaires, qui sont arrivés dans les administrations, les trois quarts connaissaient rien à rien. Et donc, quand on dit que l'État est tombé, oui, l'appareil répressif a disparu, l'armée s'est évaporée. C'est un gigantesque sauf qui peut. Ça a commencé à l'été parce que les paysans voulaient retourner faire les moissons. Puis à l'automne, plus personne voulait se battre et ils se tiraient. Donc effectivement, l'État, dans sa partie la plus répressive, a disparu. Mais la justice existe toujours. Et puis tous les corps de fonctionnaires et d'organes qui sont l'État aujourd'hui, même s'ils étaient moins sophistiqués qu'aujourd'hui, n'ont pas disparu. Et quand les bolcheviks sont arrivés dans les ministères, les mecs ont dit bonjour, ils donnent une directive, il n'y a personne pour la transmettre, les mecs foutent rien, quoi. C'est ça aussi, comprendre ce que c'est que l'État, c'est un autre aspect qui n'était absolument pas maîtrisé à l'époque. Il y avait jamais eu d'expérience. L'expérience de la commune, elle a été idéalisée, magnifiée, et il faut rendre hommage à leur héroïsme, parce qu'ils ont perdu. Mais les contradictions qu'il y avait déjà au sein de la commune, alors là, personne n'en a parlé. Donc, comment on peut inventer... Enfin, c'était vraiment une expérience totalement inédite. Vous venez d'entendre Antoine Hazard, qui était à Rezé il n'y a pas très longtemps, présenter Pétrograd Rouge... La révolution dans les usines 1917-1918. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre, donc je vous renvoie aux éditions Les Nuits Rouges, et ça a été écrit par un historien anglais qui s'appelle Stephen Smith. Voilà. Et ben, l'émission du magazine Libertaire continue, et à tout de suite. Hein. De la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui je pointe et ne reverra le jour qu'avec la rosée. D'ailleurs l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dal, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas, se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigué mais content de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le voilà face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler. À emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Pour lui, le compte à rebours s'est enclenché. À peine le plancher foulé, 8h à tenir et pas question de flancher. Sinon c'est la porte. Des gars comme lui, y'en a à l'appel. Profession, OS, comme ils les appellent. Dans les boîtes d'intérim, ouvriers spécialisés. Ferme là et trim, l'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Passons une fait que ça de cogiter. Même agité, pense à tout pour s'évader. Vois ses gosses gambader, se rappelle du week-end dernier. Des conneries du JT, l'air descend vite fait sur terre. Son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. A envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le con. Travaille à 3 mois chez Adéco, maintenant c'est lui fait de presse. Plus de stress, il galope de poste à poste avec cette cadence qui l'oppresse. L'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose. Une heure et demie, que vienne son heure de pause. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Que la dernière moulée, on vient le remplacer. Quitte enfin l'atelier, t-shirt mouillé, dos cassé, grimpe les escaliers, va pouvoir pisser, se laver les mains, fissa avant de pouvoir aller crailler. Dans le local, qui est tellement sale, quand en normal, ça aurait dû déclencher une lutte syndicale, mais que dalle. Depuis le dernier plan social, peur d'espérer mieux. On a vu à quoi ça mène de l'ouvrir dans cette PME, ça parle PMU à côté de lui. En face, les vieux un peu émus rêvent d'une issue pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu. Deux, trois conneries de sortie, dans 10 minutes c'est reparti. Fini sa gamelle, vite pour fumer la camelle, le cul posé sur le quai dehors. Son seul plaisir, apprécier le calme de la ville qui dort avant de reprendre l'effort. Il écrase son mégo, rentre croise aussitôt. Son chef qui râle pour la minute de pause en trop. Le plat nouveau, trop de moules qui s'ouvrent et se referment chaque 30 secondes chrono. Pour éjecter une pièce qu'il faut couper, séparer, jeter, poser dans le chariot. Et ouais, la nuit, le jour, ici, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Bon, eh bien, on est de retour à l'antenne, et maintenant, ça va être l'heure du billet foutraque. Tout fout le camp, sauf le magazine libertaire, évidemment. C'est pas tellement qu'on en avait pas envie, mais être dans l'air du temps, c'est pas notre truc. Alors on revient vous chanter les merveilles humaines, parce que, comme dit le chanteur, faudrait pas oublier... Eh ben non, même si c'est tentant, un peu trop d'ailleurs. Non, faudrait pas oublier qu'on est dedans, et jusqu'au cou. La dernière bonne nouvelle en date est météorologique. Je vais pas vous en mettre une couche de vidéogag informatif, mais à moins d'avoir de la chance, vous n'avez pas pu échapper ces derniers jours aux glissades éditoriales de nos fabuleuses grand-messes aux thématiques poudrées. Et non, je ne parle pas ici de consommation de cocaïne des présentateurs de JT. Je garde ça pour une prochaine fois, si ça vous dérange pas. J'évoque plutôt ici la vague de froid qui a sévi la semaine dernière sur toute l'Europe, mais pour la mettre en parallèle d'une autre info un peu plus attrayante que les éternels marronniers d'hiver qu'on nous sert dès qu'il fait froid, entre novembre et février. Et cette autre info... C'est donc qu'il faisait il y a quelques jours plus chaud au pôle Nord qu'à Paris, pour un différentiel d'une bonne trentaine de degrés par rapport aux moyennes de cette saison. Soit quelques degrés au-dessus de zéro, ou encore le triple des températures observées historiquement. Et cela alors même que la région polaire est encore baignée dans l'obscurité en cette période de l'année. Ce qui a fait dire, une minuscule fois de plus aux experts les moins écoutés du monde, que les modèles de prévision concernant le réchauffement climatique étaient finalement pires que prévu. Et c'est là que je m'insurge. Depuis des années, on nous culpabilise à propos de notre mode de vie, qui soi-disant provoquerait des dérèglements en cascade, nous menant tout droit vers le fameux réchauffement de la planète. Tout ça pour qu'au final, le Farniente se retrouve à l'autre bout du monde, là où précisément il n'y a personne pour en profiter. Franchement, même avec la meilleure volonté du monde, comment voulez-vous que les populations optent pour la voie du changement raisonnable de la survie si les preuves indubitables se trouvent aux antipodes ? On laisse bien crever les Syriens tout en suivant de loin l'évolution de la situation comme s'il s'agissait d'une télé-réalité, tout ça en se resservant une deuxième mousse au chocolat avant de dormir. Ce que les nutritionnistes déconseillent pourtant fortement. Mais c'est que nous sommes impuissants quant aux choses du monde, se répète-t-on tous en cœur, comme pour mieux se rassurer, préférant rejeter la faute sur les responsables, ces salauds qui rajoutent des ingrédients appétants dans nos desserts pour qu'on y revienne. Y a pas à dire, tout provient de la distance. Si le problème est lointain, alors ce n'est pas notre problème. Le hic, c'est que cette notion de distance et donc le degré d'investissement d'un individu a salement tendance à se resserrer autour de cet individu, dans un rayon de quelques centimètres selon les nouvelles normes en vigueur. Et cela, ce n'est pas sans conséquence. Repli sur soi, ou sur la sphère intime, dans le meilleur des cas, rejet de l'inconnu, de l'étranger, renforcement des valeurs protectrices de son cocon, de ses valeurs, de ce que l'on voit finalement et pas plus loin. Le reste n'existe pas. Nous en sommes à ce stade politique qui voit, de par le monde, les idéologies réactionnaires se renforcer aussi sûrement que rapidement. L'exemple américain a ouvert la voie à d'autres nations, notamment en Europe, où les alliances droite-extrême droite ne sont définitivement plus taboues. L'Autriche, à la faveur d'un vrai faux départ, et après bien des atermoiements, a finalement cédé au champ nationaliste de son ultra-conservatrice et xénophobe sirène, en la personne de Sébastien Kurz, en le propulsant chancelier il y a de ça quelques mois. Il y avait fort à parier qu'une fois le premier domino tombé, il ne faudrait que peu de temps pour que les autres suivent. Et ce week-end, eh ben c'est le domino italien qui a chu. Faut dire que sur les étals législatifs, on ne trouvait pas que des produits frais, avec notamment un Berlusconi pourrissant et de toute façon inéligible, mais qui aura quand même réussi à mener sa formation Forza Italia sur les talons du Parti démocratique de Matteo Renzi, l'ancien président du Conseil, à savoir dans les choux. Puisque ces deux groupes politiques, habitués à truster les premières places, enregistrent un échec cuisant, laissant les populistes du mouvement 5 étoiles et l'extrême droite de la Ligue du Nord largement en tête. Et ce sera l'une ou l'autre qui gouvernera. Avez-vous fait votre choix ? Peste ou choléra ? Dans les deux cas, c'est une politique de l'autruche qui sera choisie. Se cacher de la réalité du monde pour mieux perpétuer l'illusion suprémaciste. Avec des ingrédients argumentaires parfois similaires, un fond de sauce certes différent, bien que rance à chaque fois, et surtout avec la même obsession de défendre l'italien contre l'étranger. Le tout dans une ambiance haineuse, ponctuée d'une fusillade, il y a un mois, perpétrée par un militant néofasciste contre des personnes toutes originaires d'Afrique de l'Ouest. Un attentat qui, avec le recul, aura donc finalement boosté les scores électoraux des partis xénophobes, car adoubé officieusement par les dirigeants politiques, comme par une large part de la population italienne. Le problème de digestion de l'information ? Rassurez-vous, tout est normal, c'est que ceci est tout simplement un gerbet. Ça donnerait presque envie de se tailler d'ici, pour aller chercher un peu de quiétude intersidérale, loin de ce bourbier sordide. Le problème, c'est qu'il faudrait aller vraiment très loin, puisque l'humain salit tout ce qui est à portée de sa main. La dernière souillure en date, c'est la Lune, sur laquelle quelques fleurons mondiaux du secteur technologique ont prévu d'aller installer la 4G. Pourquoi faire, me demanderez-vous, alors même que certaines régions françaises sont encore difficilement raccordées à la 3G, que les problématiques liées à la faim dans le monde touchent près d'un milliard de personnes, ou que François Fillon n'a toujours pas remboursé la totalité de ses frais de campagne. Plutôt que d'investir dans l'humanitaire, donc, le choix s'est porté sur la 4G, afin de permettre aux robots d'exploration, qui devraient être prochainement envoyés sur la Lune, de renvoyer de magnifiques flux vidéo en haute définition. Tout n'étant, bien sûr, je cite, « qu'un premier pas » vers la migration interplanétaire. Ah, c'était donc ça ! On revient finalement aux fondamentaux, avec cette même peur de la réalité qui nous pousse à faire fuir autrui ou à fuir nous-mêmes quand vraiment cela commence à sentir le roussi. Et oui, la clé de tout cet imbroglio, c'est le déni, le fameux déni de réalité, celui-là même qui sous-tend l'ensemble des interactions humaines depuis l'aube des temps. Le déni, qui face à une position argumentée, pousse invariablement l'individu vers une forme de croyance occultant de facto la connaissance. La croyance, qui possède ce merveilleux avantage de ne jamais pouvoir être déstructurée, et donc d'être éternelle. Parlez-en à Dieu. Celui que vous voulez d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le déni est un mécanisme de défense avant toute chose. Une défense qui intervient lorsque l'individu se sent mal à l'aise, angoissé, menacé dans ses bases profondes, archaïques et primaires. Le déni de réalité, c'est aussi le fait de s'asseoir sur sa conscience lorsque l'on voit comment la France abandonne, ou parque, au choix, des réfugiés en se forçant à se convaincre qu'ils n'ont de toute façon rien à faire ici, ou qu'ils ne doivent, au fond, pas être humains. Au sens d'humains comme nous, évidemment. Le déni de réalité, c'est aussi d'observer comment les forces de l'ordre mettent leur cerveau en stand-by. C'est plus délicat pour certains que pour d'autres, je vous l'accorde, afin de faciliter une opération de répression à coup de matraque. Le déni de réalité, c'est de refuser de voir que le monde change et de préférer se laisser glisser, par facilité, vers des idéologies autoritaires. Le déni de réalité, c'est de fermer les yeux sur les problématiques centrales parce qu'elles impacteraient notre mode de vie, quitte à faire une croix sur le futur. Alors continuons bien à garder nos yeux fermés, ou à défaut, regarder à côté en baissant les yeux, ça marche aussi. Alligator 427 aux ailes de cachemire safran, je grille ma dernière cigarette, je vous attends. Sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants, j'ai troqué mon cœur contre une trique, je vous attends. Je sais que vous avez la beauté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 à la queue de zinc et de sang, je me tape une petite reniflette, je vous attends. Dans cet étrange carnaval, on a vendu l'Homo sapiens pour racheter du Néandertal. Je vous attends. Et les manufactures ont beau se recycler, il n'y aura jamais assez de morphine pour tout le monde. Surtout qu'à ce qu'on dit, vous aimez faire durer. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 au long regard phosphorescent, je mouche mon nez, remonte mes chaussettes, je vous attends. Et je bloque mes lendemains, je sais que les mouches s'apprêtent autour des tables du festin, je vous attends. Et j'attends qu'il se dresse au prochain charnier, j'ai raté l'autre guerre pour la photographie. J'espère que vos macabres seront bien faisandis. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 aux crocs venimeuses et gluants, je donne un coup de brosse à mon squelette, je vous attends. L'idiot du village fait la queue et tend sa carte d'adhérent pour prendre place dans le grand feu. Je vous attends. J'entends siffler le vent au-dessus des calvaires et je vois les vampires sortir de leur cercueil pour venir saluer les anges nucléaires. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 aux griffes d'or et de diamants, je sais que la ciguë est prête, je vous attends. Je sais que dans votre alchimie, l'atome, ça vaut des travelers chèques et ça suffit comme alibi, je vous attends. À l'ombre de vos centrales, je crache mon cancer. Je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose. Je sais que mes enfants s'appelleront vers de terre. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 au cerveau de jaspe et d'argent. Il est temps de sonner la fête. Je vous attends. Vous avez le goût du grand art et sur mon compteur électrique j'ai le portrait du prince ringard. Je vous attends. Je sais que désormais vivre est un calembour, la mort est devenue un état permanent. Le monde est aux fantômes, aux hyènes et aux vautours. Moi je vous dis bravo et vive la mort. On est toujours dans le magazine Libertaire. Et pour rendre hommage à Radio Cayenne qui nous accueille ce soir, on voulait lire un truc qui parle encore de bagne. C'est l'extrait d'un bouquin qui s'appelle Milo l'incorrigible, parcours carcéral d'un jeune insoumis à la belle époque. Et c'est édité par le collectif Niette. C'est écrit par le collectif L'Escapade. Et c'est édité par le collectif Niette. Et l'extrait qu'on va lire, c'est un extrait d'un autre bouquin qui s'appelle La Mouscaille de Jean-Guy Le Dano. Et c'est à propos de la révolte d'Anyan le 27 août 1937. Et Anyan, c'était un bagne, une colonie pénitentiaire industrielle. Les autres, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'était des colonies pénitentiaires agricoles. Et là, c'est une colonie pénitentiaire industrielle. Du coup, on faisait bosser les mômes dans des ateliers. Ouais, ils faisaient de la production industrielle, quoi. Tout débute après un souper où un tiers des colons n'a pas reçu de nourriture. Après quelques protestations, bousculades et cris hostiles dans le réfectoire, les gamins sont contraints à faire le tour de la cour et certains sont convoqués au prétoire pour le lendemain. En remontant au dortoir, on brise des ampoules et les gaffes se dépêchent d'enfermer les jeunes dans leur cage. Du coup, j'imagine que les gaffes, c'est les matons. À Anyan, les enfants sont séparés les uns des autres, répartis dans des cages individuelles. Le corse se met à hurler. « Première rangée, attention, je ferme !» Les portes claquent les unes après les autres, le balancier se déclenche, assurant la fermeture. Attention, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée. Ceux qui ne seront pas dans leur cellule à la fermeture du balancier iront coucher au quartier disciplinaire. Lorsque j'entends ces menaces, il est trop tard. Ma porte est fermée. Je suis seul dans l'allée. J'appelle le Corse pour lui demander de m'ouvrir. Bon prince, il va se décider lorsque le Glonec me demande de défoncer sa porte. Je n'hésite pas une seconde. Vlan, à nous deux, nous défonçons celle des copains. Certains se libèrent eux-mêmes. Les ampoules volent en éclats. Les gaffes, précipitamment, quittent les lieux, en prenant soin de fermer la porte derrière eux. Les colons déchaînés galopent sur les cages à poules, brisent les carreaux, arrachent les fenêtres et les jettent à travers les barreaux. J'appelle. Il faut absolument défoncer la porte et se tirer. À coups d'épaule, nous essayons vainement de la faire sauter. C'est à ce moment que le brigadier Pourcel commet une impardonnable erreur. Courageusement, il ouvre et essaye de rétablir l'ordre. Autant vouloir arrêter la locomotive roulant à 100 à l'heure. Fanfan, grimpé sur une cage à poules, décroche une fenêtre et décoiffe ce malheureux bricard qui s'enfuit en hurlant. La meute le suit, lui arrache son trousseau de clés et ouvre la porte donnant sur la cour. Tous les gaffes ont disparu, laissant le brigadier à la merci de cette bande de démons. Dans la nuit, une voix s'élève. « Tous au mur de ronde !» Pour y parvenir, il faut défoncer la porte des ateliers. Un jeu d'enfant. Dans l'atelier de mécanique, il y a des échelles. Les premiers arrivés enjambent la nuit et disparaissent dans la nuit. Avant de les imiter, j'estime qu'un feu d'artifice ferait assez bien le décor. À quatre, nous courons vers l'atelier de menuiserie. En quelques secondes, les premières flammes s'élèvent au milieu d'un énorme tas de copeaux. Sur le brasier, nous jetons planches, meubles, bidons d'huile. L'atelier de menuiserie n'est bientôt plus qu'un immense feu de joie. Charlot, qui travaille à l'atelier mécanique, n'ignore pas que dans le placard du contremaître se trouve un gros bidon d'essence. Nous en répandons le contenu dans les ateliers mécaniques, chaudronnerie, ferblanterie et les douches. Tout n'est bientôt plus qu'une fournaise. Quelques colons, occupés à fouiller les placards, ont failli brûler vif. Grimpé sur le toit des douches, je m'apprête à sauter dans l'enceinte du mur de ronde. De ma place, j'aperçois les ombres monter l'échelle et disparaître. La majorité a déjà filé quand je me décide à en faire autant. Soudain, le toit de la menuiserie s'effondre, provoquant une germe de flammes et d'étincelles qui éclaire comme en plein jour le mur de ronde. Ce fut la perte de ceux qui, à ce moment-là, allaient sauter le mur. Les habitants d'Anyan les avaient repérés, s'empressèrent de les cueillir. Les cris, les hurlements des colons vinrent jusqu'à moi. Les retardataires ont compris. Pour eux, il est trop tard. Tous, tant que nous sommes, nous n'oublierons jamais la sauvage réaction de ces salauds de paysans. Quand ils apprirent que la colonie se révoltait et qu'ils aperçurent les premières flammes s'élever dans la nuit, chacun s'arma de son fusil. Ceux qui n'en avaient pas prirent une trique. Et dans le tas, c'était facile. Les gosses sautaient le mur par groupe de 3 ou 4. Les indigènes du coin étaient une 50aine à les réceptionner tapis dans l'ombre. Les coups pleuvaient secs, sans égard pour le point de choc. Je suis un des premiers à me rendre compte que sauter le mur, c'est courir à l'abattoir. « Ne sautez plus, les gars! Les paysans massacrent tout le monde! Écoutez les hurlements !» Nous ne leur avions rien fait à ces salauds-là. Pourquoi matraquaient-ils des gosses sans défense? Nous en voulions ni à leurs femmes ni à leurs biens. Chacun ne demandait qu'à quitter leur sale bled dans les délais les plus rapides. Devant l'impossibilité de m'évader, je quitte mon perchoir. Il était temps, les flammes jaillissent de toutes parts du bâtiment des douches, et au loin, dans le fond de la cour, j'aperçois des casques briller à la lueur de l'incendie qui fait rage. Les gardes mobiles, mandés d'Agde, foncent, sabre au clair, frappant sans distinction tout ce qui bouge. Tapis derrière un platane dont le feuillage tourne aux roues, j'aperçois une dizaine de mes camarades écroulés comme des quilles. Cernés de toutes parts, nous nous rendons. Et soudain, je me sens fier d'avoir fait jaillir la première étincelle. Nac aux pauvres, bisous de janvier. On gerbe son bon vin dans les plantes. On a chialé les nouveau-nés qui crèvent au soleil dans une tente. Il n'y a plus de neige, mais il y a de la suie. Des usines noires qui tombent par terre. Feux d'artifice, pétrochimie, écologie, post-nucléaire. En février, il y a peu de jours. Ça permet déjà une petite pause. Saint-Valentin chante l'amour. Les cartons de pointage sont tout roses. On se revoit baigné dans le riz. On s'invite à la danse du ventre. On va boire Bruges ou bien Johnny. On paye la note et puis on rentre. Au mois de mars, il pleut tout le temps, on s'en va lécher la rosée. Jouer du blues pour les enfants, pour qu'ils ne soient pas névrosés. On claque du fric dans le décor, pour assumer sa dépendance. Acheter le cercueil de la mort, dans du design de dernière chance. 1er avril, tout est comique, on fait des blagues quand on travaille. On jette du caca en plastique ou bien du vrai quand ça déraille. C'est la Pâque ou bien on s'en fout. 2 allumettes pour faire une croix, 2 œufs dans le pré, 2 ou 3 clous pour mettre un mur Che Guevara. Hey! C'est le calendrier des fêtes, c'est chouette, on va faire péter la planète, mais on se sera bien amusé. C'est le calendrier des fêtes, c'est chouette, on va épuiser la boulette, mais on se sera bien rassasié. Au 1er mai, des travailleurs, le drapeau rouge était en bleu. On maudit ceux qui viennent d'ailleurs, même s'ils payent la bouffe des vieux. La rébellion est un commerce, voté en cabine d'essayage. Une chenille de char sur le faciès ou de bons collègues de passage. En jouant les membres en leur cartable, fatigués d'être programmés. On met du foin dans leur étable, ils vont fumer pour se calmer. Y'a des moutons qui sont contents que leur moelle soit sucée ainsi. Si c'est pour les rendre importants, le sacrifice les devient joli. En juillet pleut le défilé, les nouveaux flics sont en chemise. C'est la seule sortie des mémés, en attendant qu'enfin ils cuisent. On peut torcher les marées noires, un ramasse-ouette par bénévole. Quand ils rentrent en bagnole le soir, les oiseaux morts encore rigolent. Les Haoussiens sont en partance, mélanomiser leur bout de gras. Prendre 10 kilos au fond de la France, rater un tournant près de Spa. Les vacances libèrent le prolo, le commerçant et l'employé. On va mettre la bière au frigo, le chien le pauvre et la bouée. Solo! Refrain, c'est le calendrier des fêtes, c'est chouette. C'est chouette, on va faire péter la planète, mais on se sera bien amusé. C'est le calendrier des fêtes, c'est chouette, on va épuiser la boulette, mais on se sera bien rassasié. Septembre, c'est la rentrée des classes. Les sociales, les scolaires, la bourse. Les avions tombent et laissent des traces. Ça change rien, on doit faire les courses. Des droits de l'homme mistes font du ramping dans les rayons des catalogues. Quelques cadavres en vieux training achètent leurs cartes de Van Gogh. La météo d'octobre est belle, ça permet la conversation. La pluie, le vent, un peu la grêle. Quelques proverbes flamands wallons. Dans les couloirs de la télé, l'impertinence vient par la bière. Vive le folklore des grandes poupées, des ministres et des dictionnaires. En novembre, on pleure le soldat qui refusa l'Europe allemande. Le roi fait moins de dégâts. La pita turque de vache flamande. On va changer le papier peint. Le ciel bat de canal perdu. On va tous s'appeler Tintin pour pas cueillir nos potes pendus. Décembre est triste et beau et fou. L'avorton Dieu vient chaque année. La viande s'empiffre de joujou. Le roi des pauvres est arrivé. Et puis on éteint les bougies. La fin du monde est inodore. Les lapinos font une orgie. Et moi, à minuit, moi je m'endors. C'est le calendrier des fêtes, c'est chouette, on va faire péter la planète, mais on se sera bien amusé. C'est le calendrier des fêtes, c'est chouette, on va épuiser la boulette, mais on se sera bien rassasié. C'est le calendrier des fêtes, c'est chouette, on va redevenir des crevettes, mais on se sera bien amusé. C'est le calendrier des fêtes, c'est chouette, on va se noyer dans la cuvette, mais y'en a qui sauront nager. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire. On va continuer l'émission avec la rubrique des annonces de l'agenda. Donc la première annonce, c'est une manif de lutte pour les droits des femmes. Et ça se passe à Rennes. Donc c'est jeudi 8 mars à 15h30 avec un rendez-vous place de la République. Les luttes féministes ont permis de conquérir des droits et de progresser vers l'égalité. Mais cette égalité est loin d'être effective. C'est pourquoi la journée du 8 mars ne se fête pas et n'est pas la journée de la femme, mais bien celle de lutte pour nos droits. Le 8 mars est une journée internationale de convergence et de toutes nos luttes. Donc vous pouvez retrouver le texte d'appel en entier sur nantes.indymedia.org. Et voilà, donc c'est rendez-vous 15h30, place de la République, pour un 8 mars de lutte. Et c'est signé 8 mars en grève et féministe autant qu'il le faudra. Alors, toujours sur Indie Media Nantes, donc un rassemblement de soutien à la révolution kurde et en hommage à Kendall Braz, c'est le fameux breton qui est mort suite au bombardement de l'armée turque en Syrie, voilà. Et le rassemblement aura lieu le samedi 10 mars à partir de 13h. Et c'est sur... Attends, j'ai un doute, c'est... C'est à Nantes, voilà, c'est bien ça. Alors, je crois que c'est en haut, tu dois avoir le... Alors, parce que là, c'est un peu petit. Devant la préfecture de Nantes. Voilà, devant la préfecture de Nantes, 10 mars à 13h, voilà. On est toujours le 10 mars. Et enfin, c'est toujours le 10 mars, c'est le samedi. À 14h, il y a un atelier d'écriture et d'enregistrement pour les enfants. Et je vous lis l'annonce. Annonce pour les enfants foutus. Un atelier d'écriture et d'enregistrement aura lieu le 10 mars à la Smala de 14h à 18h. Autant pour les novices, les curieux, les pas à l'aise, les trop nerveux. Nous sommes quelques-uns à vouloir partager cette aventure avec vous. On vous attend avec impatience. Et la Smala, c'est sur la ZAD, c'est à la Wardine. Alors, toujours plus le 10 mars, puisque là, cette fois-ci, ça se passe le dimanche 11 mars à 13h30. C'est Chantier Verger, des Racines pour l'Ouest, au Moulin de Roanne. Et donc, c'est de 13h30 à 17h30, et il y aura surtout du désherbage. Amenez vos outils et gants, si vous en avez. Le 17 mars, il y a des formations « Défendre la ZAD ». Du coup, c'est sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. L'heure, elle n'est pas définie. L'idée, c'est de prendre 2 jours de formation, une journée où on apprend à se faire confiance ensemble, à avoir un peu des techniques et des réflexes face aux flics, et un peu des trucs théoriques aussi, des trucs pour se protéger, des trucs pour se protéger aussi juridiquement, et des infos sur garde à vue, etc. Et le lendemain, c'est un jeu de piste grandeur nature, toujours sur la ZAD, pour apprendre un peu à connaître le terrain, réagir et à réagir face aux flics. En cas d'expulsion, bien sûr, hein, c'est pas. Enfin, en cas d'expulsion, on remarque que ça pourrait être en cas de maintenant aussi, vu qu'il y a des flics déjà sur la ZAD, mais bon. Et ça a changé de formule pour celles et ceux qui étaient venus les dernières fois. Les dernières fois, c'était une journée. Ça commençait le matin, en fait, le jeu de piste. Et là, le jeu de piste, ça va être de nuit. Du coup, même peut-être les gens... Je pense que le nombre de places est limité, du coup, faut voir. Mais peut-être des gens qui auraient déjà fait les premières fois. Il y a un an et demi maintenant, peut-être c'est possible de demander à y retourner pour faire le jeu de piste la nuit et pour y aller, en fait, pour faciliter la logistique, c'est-à-dire que les repas, l'hébergement et tout ça, que ce soit compté en bon nombre, il faut confirmer la venue au mail zadforever, zadforever, @riseup.net. C'est le 17 mars, on a dit. 17 et 18, du coup. Alors, vendredi 16 mars, donc là ça se passe à 18h, L'amour et la révolution, donc c'est une projection débat en présence du réalisateur Yanis Yuluntas, donc 5 ans après, ne vivons plus comme des esclaves, et 3 ans après, je lutte donc je suis, et au terme de 15 mois de tournage et de préparation, donc voilà, est né apparemment l'amour et la révolution, bon, on va pas tout vous lire, parce qu'on va pas vous gâcher le suspense, mais bon non. Allez-y, ça a l'air bien. Oui, c'est au Concorde et comme ses précédents films, en fait, il traite de la Grèce et de ce qui s'y passe en ce moment et des différentes expériences qui sont menées. Le premier, c'était de faire un état des lieux de la situation en Grèce et des mouvements. Le deuxième est plus un exercice de style, à mon sens. Et peut-être voir le troisième, comme disait Martin à l'instant. Control yourself. Hey baby, yeah, better. That's in your brain. Forget about your future. Get jealous, jealous, jealous. Just do it. Aux annonces, parce qu'on en a oublié une qui se passe le jeudi 8 mars à 19h du côté de la Dérive. Et la Dérive, ça se trouve 1 rue Guérobert 44000 Nantes. Voilà. Et voilà, c'était pour dire qu'il y a un apéro exil à la Dérive. Et c'est la troisième rencontre. Et notamment là, c'est avec SOS Méditerranée. Donc pour le troisième apéro exil, la Dérive accueille l'antenne de Nantes SOS Méditerranée. Deux marins sauveteurs sur l'Aquarius, Stéphane et Antoine, viennent témoigner de leur activité sur cette mer devenue une frontière meurtrière. Donc voilà. Retrouvons-nous pour échanger sur la situation actuelle en Méditerranée et le travail quotidien de l'Aquarius qui permet de limiter le drame qui se déroule, aujourd'hui sous nos yeux. Voilà. Donc au programme, il y aura une projection, témoignage et puis ensuite une discussion qui s'en suivra. Voilà. Donc autrement, pour plus d'infos, vous pouvez aller sur http://www.sosmediterranee.fr. Voilà. Autrement, allez sur Facebook et dans la partie événements. Voilà. Et aujourd'hui, en cette journée humide, on vous propose une petite visite de chantier. Attention, casque obligatoire. Les immeubles les plus hauts culminent à 50 mètres. Les formes sont modernes, colorées, métamorphosées. Les 35 hectares que la mairie jugeait autrefois glauques et tristes. L'actualité aujourd'hui, c'est la gare de Nantes. Vous savez, elle va complètement changer de visage en 2019. Au pied de la butte Sainte-Anne à Nantes, dans le bas du quartier Chantenay, cette ancienne carrière sera bientôt le théâtre de l'Arbre aux Hérons, le fameux projet des machines de lit. La place de la Petite Hollande bientôt piétonne. Après le carré Feydeau et le quartier commerce, la mutation du centre-ville passera aussi par la transformation de l'île Gloriette. La transformation du quartier Bellevue, à cheval sur deux communes, Nantes et Saint-Herblain, va s'étendre sur 10 à 15 ans. invitation à une grande journée contre la métropolisation et l'aménagement de nos vies à Nantes. À Nantes, pas une semaine ne passe sans que l'on apprenne qu'un nouveau projet d'aménagement urbain est à l'étude ou qu'un appel à idées est lancé. Il n'y a pas un mois qui s'écoule sans que tel ou tel boulevard soit fermé pour réaménagement et que l'on entende les marteaux-piqueurs donner de la voix. Nantes, la ville où il fait bon vivre, est plutôt la ville où il fait bon investir, où le prix de l'immobilier augmente sans cesse et où le marché du BTP est en permanence renouvelé. Peu importe si des gens vivent là où on aménage, ce qui compte, c'est de faire tourner l'économie. Mais justement, ces gens qui vivent là, il se trouve qu'elles et ils s'organisent de plus en plus pour refuser l'aménagement de leur quartier, s'opposer à l'implantation d'un grand projet ou lutter contre la restructuration de leur lieu de travail. Des collectifs se montent aux quatre coins de la ville, Chantenay, Dalby, Doulon, La Beaujoire, le Square Fleuriot, la Petite Hollande, les nouveaux franchissements de Loire, le transfert du CHU, etc. Et nous ne citons pas tous les collectifs de quartier qui luttent contre des projets de plus petite ampleur, mais bien plus nombreux, comme par exemple la destruction sans fin de toutes les maisons individuelles pour en faire des immeubles ou la disparition des places de stationnement gratuits. Pris un à un, tous ces projets peuvent sembler être sans lien les uns aux autres. Mais quand on les regarde tous ensemble, on se rend bien compte qu'ils sont liés, qu'ils s'inscrivent tous dans la logique de métropolisation, dans le but de rivaliser avec les autres métropoles européennes. Il faut que la ville soit attractive afin d'attirer sans cesse de nouvelles personnes, fortunées, pour leur donner envie de venir investir ou vivre ici. On crée donc, de toutes pièces, des besoins de restructuration. Mais en réalité, les besoins sont ceux des grosses boîtes de BTP qui veulent constamment de nouveaux chantiers, des promoteurs immobiliers qui veulent des quartiers où le prix du mètre carré ne fera que grimper, des trentenaires, bien propres sur eux, qui veulent une ville verte, aérée, avec vue sur Loire, sans se soucier de qui vivait là avant. Alors, on vire toujours plus loin les pauvres, on détruit les liens sociaux existants, on fabrique un centre-ville vitrine pour touristes, et on truffe la ville de caméras et de flics. Faut bien rassurer l'investisseur. Et pour que tout ça passe sans trop faire de vagues, on organise des grands débats, des concertations avec les habitants, à grands coups de démocratie participative, on fait croire que tous ces beaux projets sont la volonté des habitants et habitantes. C'est parce que nous pensons que toutes ces luttes sont reliées par les mêmes logiques de dépossession de nos quartiers et lieux de vie collectifs, et que nous avons toutes et tous à apprendre des autres, que nous souhaitons organiser ces rencontres contre la métropolisation et l'aménagement de nos vies. Ce sera l'occasion de venir présenter les différentes luttes en cours et d'échanger sur nos stratégies et analyses. Vous êtes toutes et tous, collectifs et individus, chaleureusement invités à cette journée qui aura lieu le samedi 7 avril à partir de 9h30 à la Maison des Habitants et du Citoyen, Place des Lauriers, quartier Bellevue. Le CNCA et Nantes Nécropole. Promenons-nous dans la ville pendant que l'urbanisme n'y est pas. S'il y était, il nous chasserait. Mais comme il n'y est pas, il nous chassera pas. Urbaniste, y es-tu? Urbaniste, entends-tu? Urbaniste, que fais-tu? ZEP, zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel.